Chapitre 14. Noire étincelle. Une fin d'après-midi, après une journée chaude, le soleil est parti éclairer l'autre face de la planète. Dans la crèche, Zara discute avec une jeune mère dont la petite fille fréquente la crèche. C'est la gamine du policier de la circulation. Tandis que celle-ci dessine, avec des craies de diverses couleurs, une fleur au bas du mur, sa mère, toute contente, confie à Zara. « Ah, comme elle a bien changé, ma petite Waria! Elle était timide, renfermée sur elle-même, peureuse de tout, le visage crispé en permanence. Moi et son papa, nous n'avons jamais compris pourquoi. C'est notre premier enfant, nous l'aimons beaucoup, nous l'adorons. Mais ce caractère de Waria nous préoccupait tellement, sans savoir quoi faire. Nous avons alors pensé que peut-être elle s'est sentie abandonnée par nous, parce que tous les deux on travaille, et qu'on la laisse chez une nourrice, une personne très âgée. Et puis, ayant découvert la crèche, nous y avons mis Waria. Petit à petit, son comportement a changé. Il s'est amélioré. Alors, nous avons compris. Waria était toute seule à la maison avec une femme. Elle manquait de relations avec des petits comme elle, de communication, de jeux, de rire. Et elle les a trouvés ici. La femme s'adresse à sa fille. « Allez, dis bonsoir à Zara et allons à la maison. »« Ah non !» proteste la petite. « Je veux finir mon dessin. » La mère, un peu embarrassée, regarde Zara. Cette dernière la tranquillise. « Si tu n'es pas trop pressée, laisse-la terminer son dessin. Question de quelques minutes. Elle est si contente de ce qu'elle a fait. » Les deux femmes se mettent à regarder l'activité de Waria. Un instant après, celle-ci brandit fièrement son chef-d'œuvre. « Alors, elle est jolie, ma fleur ?» Zara et la mère applaudissent chaleureusement. Waria, toute contente, s'approche de Zara. Les deux se donnent un baiser sur les deux joues, puis « À demain !» dit Zara. « Je peux prendre ma fleur avec moi ?» demande Waria. « Évidemment !» Quand la mère et la fille sont parties, Zara commence à mettre de l'ordre dans la crèche. La sœur de Karim est sortie avec sa mère pour la quotidienne promenade dont a besoin cette dernière, afin de maintenir le bon état de son corps. La porte de l'appartement s'ouvre, laissant apparaître Karim. À sa vue, Zara tressaille de peur. Le visage de son mari est la blancheur d'un cadavre, les yeux terreux. Elle se précipite vers lui. Qu'est-il arrivé? Il la fixe du regard sans parler. Zara est envahie d'angoisse. « S'il te plaît, parle, parle !» Rapidement, il lui prend les deux mains, il les serre très fort, puis il murmure. « Sois courageuse, très courageuse, d'accord ? Oui, oui, je le serai. Dis-moi vite, ton papa, qu'a-t-il fait ? Il est mort. » Zara, totalement atterrée, parvient à demander. « Mort ? Quand ? Comment ? » ?»« Voilà environ 2 heures. Je l'ai reconnu à la morgue de l'hôpital où on ramena le corps. » Il traversait l'avenue, celle où se termine l'ensemble des immeubles de notre quartier. Un camion l'a écrasé. Le chauffeur affirma que ton père s'est volontairement jeté sous les roues du camion, et des témoins sur place ont confirmé cette déclaration. L'un d'eux a même dit que nous avons couru pour le secourir. L'accidenté murmura. Finalement, Dieu ne me tourmentera plus dans cette vie. Zara, écrasée par ce qu'elle vient d'entendre, se dirige vers un divan. Elle s'y affale, tête baissée, dos courbé, bras abandonnés. Soudain, elle se relève vivement et fixe les yeux de son époux. « Maman le sait-elle ou pas encore ? » demande-t-elle. « Pas encore, » répond Karim. « J'ai estimé t'en informer d'abord. » Quand les époux descendent à l'appartement du rez-de-chaussée, Zara invite sa mère à s'asseoir. En voyant les expressions de visage de sa fille et de son gendre, la femme comprend. « Encore une mauvaise nouvelle. » Stoïquement, elle dit « Non, je préfère rester debout. De quoi s'agit-il ? » L'hésitation de Zara alarme fortement sa mère. « Vite, vite !» supplie-t-elle. On commence à trembler. « Parle, parle !» En apprenant l'horrible tragédie, la veuve reste tout à fait pétrifiée, sans voix, les yeux hagards. Karim revoit les rares rencontres avec Mouloud, le père de Zara. Malgré le trop long et accablant chômage et le noir tunnel de l'alcoolisme, Mouloud conservait l'allure d'un bon ouvrier. Il portait toujours des vêtements de travail, un pantalon et une veste appelée bleu de Shanghai. Peut-être qu'à force de continuer à les porter, Dieu m'offrira un travail, avait-il dit un jour, d'un ton partagé entre la plaisanterie et l'espoir. Cette phrase fut rapportée à Karim par un voisin avec lequel il bavardait de temps à autre sur la place. Ce dernier ajouta « Pour moi, la mort de Mouloud, ce n'est pas lui qui en est responsable, ni le chauffeur du camion. » « Qui alors ?» demanda Karim. « Ceux qui, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, dans le ciel ou sur terre, permettent que les Moulouds soient réduits à des êtres inutiles au point de les contraindre à mettre fin à leur damnation. Si Mouloud avait pu trouver un travail convenable, si, encore mieux, il avait bénéficié d'une éducation qui lui aurait permis une occupation plus enrichissante, non pas seulement du point de vue financier, mais surtout intellectuel et moral. Aurait-il été l'auteur en même temps que la victime de l'enfer où il fut jeté et qui l'a tué? Quant à Zara, elle pense à ce qui l'a toujours fortement impressionné de la part de son père, le double aspect de son comportement. Doux comme un mouton, l'alcool le transformait en fauve féroce. La fille attribuait ce changement total à un fait. La douceur de son père n'était pas une résignation à son insupportable sort, mais uniquement un repli sur lequel bouillonnait une extrême révolte contre la justice dont il était victime. Chez papa, derrière l'effroyable dégénérescence, persistait un fond hors d'atteinte. Dans l'obscurité de son esprit, existait une étincelle. C'est elle qui l'a convaincu finalement de mettre fin à une existence indigne par la mort. Ce fut sa manière de se révolter, de retrouver sa dignité bafouée. Malheureusement, il dirigeait son indignation non pas contre les vrais coupables, mais contre les membres de sa famille. Un soir d'ivresse, il proféra ces terribles paroles à son épouse et à ses trois enfants. « Parfois, une idée surgit dans ma tête, vous égorgez tous, puis tranchez ensuite ma gorge pour clore cette infernale existence de souffrance. » Puis, il alla s'affaler dans un coin obscur et murmura, les yeux injectés de sang. « À quoi sert-il de vivre quand les hommes nous maltraitent et Dieu reste sans réaction? Pourquoi attend-il que ces méchants meurent pour les punir? J'en suis arrivé à croire que Dieu est une invention de ces odieux méchants pour nous faire supporter leur cruauté. » Bien que Zara partageât l'opinion de son père, elle eut un frémissement d'angoisse à la pensée que Dieu n'existerait pas. Que serait alors la signification de cette vie? Zara est interrompue dans ses pensées par sa mère. Elle murmure, d'une voix affligée et compatissante, « C'est mieux pour lui, il a fini de souffrir. » Elle n'ajoute pas le désir surgi dans son esprit. « Dommage que je ne fus pas à sa place sous le camion. » Cette idée la met très mal à l'aise. « Que je suis affreusement égoïste, j'oublie Zara. » Elle baisse les yeux vers le sol et demeure consternée. L'excès de souffrance empêche le soulagement par les larmes. Karim contemple cette malheureuse veuve, symbole du martyre de tant de femmes. « Quand donc, s'interroge-t-il, viendra le jour où ces femmes sauront recouvrir leur dignité ?»